glad you came down on St. Lawrence and met me. Somebody show you Zulu Queen. Saint-Étienne, Yves Montand va nous chanter « C'est si bon ». Je ne sais pas si l'année est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais « Oh !» Et je fais « Ah !» C'est si bon de partir n'importe où, bras-dessus, bras-dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne les frissons. C'est si bon, et ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre, et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre, car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait oh, oh. Elle me fait ah. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos, tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon. C'est le jour du monde. Direct en stéréo sur RMK 42 Saint-Etienne, la seule et unique radio stéphanoise qui vous fait vibrer de l'intérieur. Richard va nous chanter Bye Bye Love. Yep! Yeah. Aujourd'hui, il fait un temps exécrable sur Saint-Étienne, un temps vraiment, comme on dit, ici, à chier. Alors, nous allons nous promener au bord de l'eau avec Mister Jean Gabin. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot au quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens. Alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui, à part d'eux, qui tout le temps se font des cheveux. Ils rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi, ça me fait mal au cœur. Car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je vous demanderai de bien vouloir écouter la musique. Vous êtes en direct et en stéréo sur RMK42 Saint-Etienne, Skyrock, Facebook. Maxi Chat et bien sûr Badou, John Lee Hooker va nous chanter Boum Boum Boum. Pour vous, mesdames et mesdemoiselles, mon cœur fait boum boum boum. Boum boum boum boum. I'm gonna shoot you right down. Your feet, take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Ow, ow, ow, ow. Mm-hmm. love to see you strut up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk, I like it like that. Whoa, yeah. You love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, whoa, whoa, whoa. We'll talk. Vous êtes en direct sur RM42 Saint-Etienne et en simultané sur Skyrock, Facebook, Maxi Chat et bien sûr Badou. Si je veux du monde, la musique. Pour un ami très cher, qui je ne tuerai le nom, qui habite tout près de chez moi, pour lui et simplement pour lui, qui ramasse les feuilles à l'appel. Je vais lui concocter Yves Montand qui va nous chanter les feuilles mortes, ce romance à la perle. Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais, je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Sur le sable, les pas des amants désunis. Mmh. s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Saint-Étienne, la seule et l'unique radio planétaire qui vous fait vibrer de l'intérieur. Mr. Glenn Miller nous chante In the Moon. I'm

riuscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore d'André Rieu. Oh! guad conosti serene, cate guardo non cantate, ete bonno tanto bene, che volessero assare. E tu dice guarda mio, e te lontano resto cuore, e basta me. Chante l'italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti a dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in più. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra. italiano. Un italiano vero. Le tour du monde de la musique, le tour du monde de la musique. Vous êtes en stéréo et en direct sur Erwin K42 Saint-Etienne, Skyrock, Facebook, Maxi Chat et bien sûr Mister Badou. Et nous allons écouter Rita Pavone nous chanter La Bella Ciao, mais une petite information de dernière minute. Aujourd'hui, à partir de 16h, le débat sur le sexe, bien sûr, ce sont les cahiers de vacances érotiques. Vous saurez tout sur les cahiers de vacances érotiques. Comme nous partons bientôt en vacances, en décembre, dans les îles Marquises, bien sûr, nous allons partir avec nos cahiers de vacances érotiques. C'est parti, Rita Pavone, Bella Ciao! Una mattina mi sono svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliata ed ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morire. La montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fior. Ciao, oh bella, ciao, ciao, ciao. Tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. E tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel l'unique radio planétaire qui vous parle sexe sans aucun tabou. Il n'y a qu'une seule radio sur la planète qui parle sexe, c'est RMK 42 Saint-Etienne, bien sûr. Julius La Rosa va nous chanter Hey Compare. Ehi hey, compare, ci vuoi suonare? Chi si suona un friscaletto? E come si suona un friscaletto? Un friscaletto e tipiti tipitita. Ehi hey, compare, ci vuoi suonare? Chi si suona un saxofona? E come si suona un saxofona? Tu tu tu tu un saxofona, un friscaletto e pipitita pipitita. Ehi compare, ci vuoi suonare? Chi si suona un mandolino? e come si suona un mandolino, a pling un mandolino, tu tu tu tu, un saxofono, un friscalette, tipiti tipiti ta. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona un violino, e come si suona un violino, a zinga zingo violina, plinga plingo mandolin, tu tu tu tu, un saxofono, un fiscaletto, tipiti tipiti ta. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona la trombetta, ma come si suona la trombetta, pa pa pa pa pa la trombetta, zinga zingu violina, plinga plingu mandolin, tu tu tu tu, un saxofono, un friscalette, tipiti tipiti ta. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona la ciambona, ma come si suona la ciambona, a fumma la ciambona, pa pa pa pa pa la trombetta, zinga zingu violina, plinga plingu mandolin, tu tu tu tu, un saxofono, un friscalette, tipiti tipiti ta. Dans quelques minutes de rock'n'roll, sexe, chocolat, mais pour l'instant une petite dernière chanson italienne, Eduardo Vianello va nous chanter I What You See. Nel continente nero, balla bonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, balla bonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi dagli galli, ai galli, ai galli. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri, ogni due passi, io ogni due passi. Facciamo sei metri, noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i Vatusi. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri, quello è doppio basso, quello è doppio basso, è alto due metri, qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci mani alti del mondo, siamo i Vatusi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi. Se non credete, venite qua giù, venite qua giù. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri, ogni due passi, ogni due passi, facciamo sei metri. Ogni capanna del nostro villaggio fa per noi tre metri di raggio. Siamo i Vatusi. Nel continente nero, si bon, si bon, si bon. Alle falde del Kilimangiaro, si bon, si bon, si bon. E ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi dagli galli, agli galli, agli galli. Nel continente nero, si bon, si bon, si bon. Alle falde del Kilimangiaro, si bon, si bon, si bon. E ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi dagli galli, ai galli, ai galli. Rock on. rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Oubliez tout. La funky. Rock and roll. Rock and roll. Reggae. Stereo, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Quatre heures de bonheur de rock and roll et de slow, et bien sûr avec le débat d'aujourd'hui, où vous pouvez répondre en direct, magazine, cahier de vacances érotiques. Qu'est-ce qu'il faut emmener pour partir en vacances et faire des vacances complètement dingue? Mais nous allons commencer avec Mr. Buddy Holly with Big Tag Day sur Mig Rock and Roll! Someday, well, I'll be true. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. On prend une petite valise, on met dessus spéciale soirée, hot. Et bien sûr, il vous faut mettre dans cette petite valise sympathique, en carton si possible. Ça existe les valises en carton, la preuve, Linda de Souza est venue avec du Portugal. Mais nous, nous n'allons pas au Portugal, nous allons bien sûr aux îles Marquises. Et pour aller aux îles Marquises, il faut mettre dans la valise un bikini blanc, une paire de lunettes de forme de cœur, un petit fouet, mais léger le fouet, un petit fouet, un collier de chien avec un anneau pour y accrocher une laisse, un short en jean, un collier de perles, des gants noirs, une petite culotte en dentelle, des bottines à lacets et bien sûr, sans oublier une ceinture de chasteté, je vous dirai tout ça tout à l'heure, comment il faut l'utiliser. Mais pour l'instant, Mr. Chuck Berry va nous chanter Johnny, be good. Thank you, ladies and gentlemen. Now at this time, I'd like to introduce a young man, Julian Lennon, to do Johnny Be Good. Come on, Julian. Saint-Etienne, rock, chocolat et bien sûr en sexe sur RMK, en direct sur Skyrock, Facebook, Maxisha et bien sûr Badou. Stereo, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Nous avons parlé de la valise de madame, nous allons parler de la valise de monsieur. Alors, ça sera facile pour monsieur, il n'y a pas grand-chose à mettre dedans. Bien sûr, un rabbit, c'est un double godmichet pour monsieur et madame. Ensuite, un cock ring qui se met à la base du pénis pour avoir une érection à long terme, un vacuum, un double dong et un plug qui permet de développer son pénis. Je vous en dirai un peu plus dans quelques instants, mais pour l'instant, Chanana va nous chanter Bon to Wand Jive. « Sur Arinka 42 Saint-Etienne. Et aujourd'hui, bien sûr, le débat du jour est les magazines et les cahiers de vacances érotiques. Que faut-il mettre dans votre valise? Bien sûr, nous avons fait un tour d'horizon pour mesdames et messieurs, mais nous avons oublié de dire que le plus important était de poser des préservatifs dans la valise, bien sûr. Sans préservatif, pas de plaisir coquin. Les Los Lobos vont nous chanter Come on, like to go. Let's go, let's go again once more. reçu un RMK 42 Saint-Etienne. Vous êtes en direct et en stéréo sur RMK 42 Saint-Etienne. Les Blues Brothers vont nous chanter Sweet Home Chicago. sûr, nous sommes en vacances aux îles Marquises pour, bien sûr, peaufiner nos cahiers de vacances érotiques. Alors, bien sûr, si on fait du camping, et bien sûr, si on fait du camping en plein air, à Vesoury, bien sûr, on pourrait dire que faire l'amour en plein air est la chose la plus sensuelle que puisse faire. Les Swinging Blues Jeans, happy, happy, check. For goodness sake, I got a heavy, heavy shake. Swinging Blue Jeans sur RMK42 Saint-Étienne. Deux destinations train trains érotiques, je dirais même trois destinations train trains érotiques: Londres, les îles Marquises, sans oublier bien sûr la ville de Casanova, Venise. Où il faut absolument aller avant de mourir. Alors, mesdames et messieurs, aller à Venise et après mourir, c'est le summum du voyage érotique. Jackie Wilson, Red Petite. Well, look about, look about, look about, look about. Ooh, we look about, look about, look about. Ooh, we from my head to toe, I want the world to know. I love her, love her, love her. She's alright. She's alright. She's alright. She loves me and loves me at night. Oh, oh, oh, oh. Like peaches from a tree, I love her, need her. She means so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes, and with me, she'll really rage. my heart, my love, my bathing beauty, she's all right. She's got just what it takes. She's got what it takes, and with me, she really raised. Mesdames et mesdemoiselles, les slow. Stereo. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Mais si vous avez la chance et l'honneur d'aller au carnaval de Venise en février, bien sûr, il y a aussi des carnavals érotiques à marge du carnaval traditionnel où là vous pouvez faire des rencontres très très hautes. Mais bien sûr, il faut vous y prendre un petit peu à l'avance. Tapez sur Google Carnaval érotique de Venise et vous trouverez des centaines d'adresses où vous pouvez vous inscrire et passer des nuits de folie. Mr. Wessing Dagons va nous chanter Girls and Gigolo. Everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Every night from heart betrayed. But there will come a day, youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they say, just gigolo. Life's gone wrong without me. I'm just a gigolo. Everywhere I go, even the part I'm playing. Paid for every dance and selling each romance. Every night hard to trade. And there will come a day, youth will pass away. What will you say about me? When the hand comes, I know they say, just gigolo. Life is out without me. When the end comes, I know they say, just gigolo, life is out. Robert Gordon, mais pour l'instant une petite dernière sur le cahier de vacances érotiques. N'oubliez pas bien sûr d'emporter avec vous votre cam, votre caméra portable et votre appareil photo. En général, ce sont les deux en même temps sur le même appareil. Et là, vous pourrez avoir des souvenirs de vacances inoubliables que vous pouvez visionner une fois rentré chez vous. Mr. Robert Gordon nous chante « Baby, he don't care ». Activité ensemble, le soft, comme on dit. Vous avez tout vous dire sur le bondage. Mais pour l'instant, il nous reste 4 minutes avant les slow. Nous allons écouter Jimmy James qui nous chante Sing Along Song. That you would say to me, won't you be my baby? Your love drives me crazy. Won't you? va nous chanter Big Blue Diamond. Big Diamond, Big Blue Diamond, all the baby. Instead of that little band of gold. Big Diamond, Big Blue Diamond, tell a story. Love that no one man could ever hold. ma belle, tu as de beaux yeux, tu sais, ma belle. Armstrong va nous chanter World the Wonderful the World. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful. To myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friendship. Je suis DJ. Oh, bouleversant! Vous êtes en direct sur RMK 42 Saint-Etienne, la seule et l'unique radio planétaire qui vous fait vibrer. Vibrer de l'intérieur. Barbara Mason va nous chanter With Love, Organ Time. To you, 'cause if you should lose me, oh yeah, you'll lose a good thing. I'm giving you one more chance for you to do right. If you'll only straighten up, we'll have a good life. 'Cause if you should lose me, oh yeah, you'll lose a good thing. to march out of that door. And if you don't believe me, just try it, Dad, and you'll lose a good thing. Just try it, Dad, and you'll lose a good thing. Just try it, Dad, and you'll lose a good thing. Just try it, Dad, and you'll lose a good thing. Just try it, Dad, and you'll lose a good thing. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit, je suis DJ. Oh, bouleversant. Mr. Fat Domino nous chante Welcome to New. This time I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm going to need to pay. Mr. Fat Domino. Et nous allons terminer cette série très romantique avec Don Costa qui nous chante Never Run on Sunday.